du festival. Prépare-toi, Québec. Le mois multi éveille tes sens du 2 au 25 février. Moismulti.org. Depuis 10 ans, Première Ovation présente les artistes émergents de Québec. Dans son exposition Sport et loisirs, l'artiste Isabelle Dionne rend hommage à des activités populaires. Tennis, pétanque et soccer traversent la série d'estampes grand format, ludiques et colorées. Sport et loisirs est présenté du 2 au 28 février à la bibliothèque Claire Martin, 755 rue Saint-Jean, à Québec. Ce soir, à l'aérospatiale, un retour sur le projet du musée ambulant, Cooksasville expose à la Galerie 3 et le travail minutieux de Claude-Olivier Gay à Materia. Bonsoir, chers auditeurs et auditrices. Vous êtes à l'écoute de l'aérospatiale, votre dose hebdomadaire d'art visuel à Québec. Audrey Caro à la barre de cette émission du 30 janvier 2018. J'espère que vous allez bien. Nous, très bien ici en studio. On est très heureux de vous présenter cette très chouette émission, je dois le dire. Je suis très contente parce qu'on va faire un retour sur un projet dont on a parlé en septembre dernier, un projet qui était en préparation et qui a eu lieu cet automne, le musée ambulant. Et on va faire un retour sur ce projet-là, un projet de musée qui s'est baladé dans les écoles rurales, dans la région de Québec, dans les alentours de Québec, il faut le dire, et qui a eu tout un succès. On va faire une sorte de bilan de ce projet, de cette première tournée avec les deux cofondatrices de cet événement-là. On a Jeanne Couture et Catherine Gadéry qui vont être avec nous dans un instant en studio. Sinon aussi, on va discuter en deuxième moitié d'émission de l'exposition, bien sûr, des incontournables Cooksasville qui est présentée à la Galerie 3 qui s'intitule « Une exposition normale ». On va découvrir ça avec une collaboratrice que vous avez fait un petit bout, que vous n'avez pas entendu, mais Suzy Dufour sera de retour au micro avec moi pour discuter de cette exposition-là. Et sinon, je suis très heureuse, on va parler de ce travail de jeune artiste que j'ai découvert cette fin de semaine. On va en parler avec Anne-Sophie Homer, c'est Claude-Olivier Gay qui expose présentement à Materia Holos, donc vraiment une exposition à voir. On va en discuter ensemble en fin d'émission, bien sûr. Et avant de débuter, j'avais envie de vous lancer une invitation, chers auditeurs, parce que moi et Jean-Tienne Lafrance, ma co-animatrice de cette émission, on a envie de savoir, dans le fond, d'en savoir un petit peu plus sur vous, de vous laisser la parole aussi. Donc, on vous invite à nous poser vos questions. S'il y a une question par rapport à un concept, un terme dont vous aimeriez qu'on vous explique plus largement, une question pour nos artistes qu'on reçoit également, un sujet qui est lié aussi au monde des arts visuels dont vous aimeriez entendre parler, eh bien, vous pouvez le faire en nous contactant à aerospatiale.ckrl@gmail.com ou bien tout simplement sur notre page Facebook. Vous pouvez nous écrire et nous poser vos questions. Ça va nous faire plaisir d'inclure ça dans notre segment des auditeurs à venir dans les prochaines émissions. Donc, n'hésitez pas à nous écrire. On est très, très ouverts à vous répondre. Et également, je souligne à votre attention, je porte à votre attention plutôt, que nous allons avoir une émission spéciale Moi Multi la semaine prochaine. Jean-Tienne, vous en avez glissé un petit mot la semaine dernière. Et ce sera en direct de la Ninkasi. Ben oui, l'aérospatiale sera en sortie. On va être accompagné de la commissaire de l'événement, Ariane Plante, ainsi que plusieurs artistes qui seront avec nous. Donc, ce sera l'occasion de venir prendre un verre tout en entendant parler d'art visuel. Après le boulot, ça vaut quand même la peine et ça va nous faire plaisir de vous rencontrer. Et voilà, on va entamer cette émission avec une chanson. À vrai dire, c'est moi cette semaine qui me suis gâtée pour vous faire cette sélection audio. Je vous présente tout d'abord une pièce qui, je dois dire, je l'ai découvert en retard, cet album. Un artiste du rap québécois, Corias, donc, de l'album Love Supreme, que je dois dire que j'adore et que j'écoute souvent ces temps-ci. C'est le titre « Ouvre ta fenêtre » qu'on s'en va écouter. La gasoline se mêle à celle des food trucks. Un undercover cop jump to the rooftop. Un fiend qui hallucine, speed crack et gin. Smack sa femme comme un speed bag de gym. Les glocks se chargent comme les visa or. La déprime est noire et les pills sont multicolores. C'est free for all pour les cops à la sortie des bars. Bruce blood, rouge bleu comme leur gyrophare. Des young cats, des vieux dinosaures. Un bum qui fouille dans mes vidanges comme si elle ait trouvé un kilo d'or. Les kids dehors qui réveillent ma fille qui dort. Un whip qui passe, bumper joint de Kendrick Lamar. Une couple de gars qui sont in and out of luck. Drug push, pas subtil avec des télés dans le truck. J'ai pas d'air clim, sweaty avec le bébé dans les bras. Pas choix d'ouvrir ma fenêtre quand c'est l'été dans mon bloc. Let's go. Ouvre ta fenêtre, dis au monde que tu l'aimes. Puis s'il pleut, couvre ta tête, le soleil plombe sur la mienne. Once again, ouvre ta fenêtre, dis au monde que tu l'aimes. Puis s'il pleut, couvre ta tête, le soleil plombe sur la mienne. Once again, ouvre ta fenêtre, dis au monde que tu l'aimes. Puis s'il pleut, couvre ta tête, le soleil plombe sur la mienne. Once again, ouvre ta fenêtre, dis au monde que tu l'aimes. Puis s'il pleut, chante le chorus all over again. Go. Y'a des gars qui volent des chars comme ils ouvrent des bières. Y'a des filles qui ouvrent les jambes comme ils ouvrent des fenêtres. Y'en a qui volent le câble tanné d'écouter de la neige. Y'en a qui partent loin du nord dégoûtés de la neige. Y'en a qui répandent le nord avec les textes. Y'en a qui dérangent le bloc avec les basses. Y'en a qui s'étendent encore avec les ex. Y'en a qui mélangent le fort avec les meds. Y'en a qui se font laisser là puis qui se font traiter de lâche. J'aimerais ça être assez swift pour je shake it off. Y'en a qui ont pas l'âge de voir des films rated R. Qui se font un vin rapide, quickie en arrière. Y'en a une coupe pour qui l'école est buissonnière. Les bouteilles sont vides comme les économies de ta mère. Pas de boîte quand c'est l'hiver, du ketchup dans le frigidaire. Vas-y buddy, bang des puffs en dessous de la A de la cuisinière. Y'en a qui meurent jeunes au bout de leur sang. Y'en a qui meurent vieux pis qui ont tout leur temps. Y'en a qui font du 9 to 5 avec la gel à terre. Y'en a qui volent toutes les affaires des autres locataires. Y'a des pères qui partent et viennent comme des courants d'air. Y'a des mères qui font du bread comme des boulangères. Y'en a qui cherchent un sang jusqu'au bout de la terre. Y'en a qui restent dans leur chambre pis qui rouvrent une fenêtre. Y'a des gars qui sont in and out of luck. Drug push et pas subtil avec des télés dans son truck. J'ai pas d'air clim pis j'suis un peu serré dans mon moi. Fait que j'ai pas choix d'ouvrir une fenêtre quand c'est l'été dans mon bloc. Let's go! Ouvre ta fenêtre, dis au monde que tu l'aimes pis s'il pleut, couvre ta tête, le soleil plombe sur la mienne. Once again, ouvre ta fenêtre, dis au monde que tu l'aimes. Puis s'il pleut, couvre ta tête, le soleil plombe sur la mienne. Once again, ouvre ta fenêtre, dis au monde que tu l'aimes. Puis s'il pleut, couvre ta tête, le soleil plombe sur la mienne. Once again, ouvre ta fenêtre, dis au monde que tu l'aimes. Puis s'il pleut, chante le chorus all over again. Go. Et voilà, on est de retour à l'aérospatiale sur les ondes de CKRL 89.1. Je suis en compagnie de Jeanne Couture et de Catherine-Ève Gadoury. Bonsoir, mesdames. Salut, bonsoir. Audrey. Alors, j'avais envie de faire avec vous un retour sur ce très beau projet que vous avez mis en place cet automne. Hein. On en avait parlé ensemble, Jeanne, au téléphone la dernière fois, mais j'avais envie qu'on fasse aussi une sorte de bilan, si je peux dire, de ce qui s'est passé lors de cette tournée-là. Mais peut-être avant d'entamer tout ça, ben peut-être si vous pouvez me glisser un petit mot pour les auditeurs, rappeler qu'est-ce que c'est le projet de Musée ambulant. Ben, musée ambulant, en fait, c'est tout simple. C'est vraiment faire une tournée des écoles éloignées du Québec. Mais pas du Québec, mais des grands centres. Donc, éloignées dans des milieux souvent ruraux. On débarque là avec un musée qui se gonfle dans les gymnases. Il y a une exposition qui est présentée donc sous cette structure gonflable. Et les enfants ont accès à des œuvres d'art professionnel qu'on pourrait retrouver dans les grands musées d'artistes du Québec, de Québec, qui viennent souvent à ton micro. Ici. Et donc, ils passent une heure en compagnie de médiatrices culturelles. Il y a Jeanne Couture qui est là, il y a Sarah Bélanger aussi. Et ensuite, ils ont une heure en atelier de création avec Marie-Fauve Bélanger et moi-même. Et ils ont donc, ils mettent les mains à la pâte, ils font une création inspirée d'une œuvre qu'ils ont vue dans le musée. La beauté de ça, c'est que c'est assez modulable, c'est léger, ça circule bien, ça peut se gonfler à peu près n'importe où, dans n'importe quel espace. Et c'est l'art qui vient aux enfants. Alors, ça nous permet d'aller un petit peu plus loin à des endroits où il n'y en a pas ou peu. Parce que souvent, on leur demande s'ils ont déjà vu des œuvres professionnelles ou s'ils sont déjà allés dans un musée. Puis, ça arrive régulièrement qu'ils nous disent qu'ils n'ont jamais eu accès à ce genre d'expérience-là. Alors, je pense que c'est précieux pour eux. Oui, puis c'est parti aussi d'une problématique par rapport aussi au transport scolaire. Hein? Je pense ce projet-là, le fait que les élèves de région doivent faire quand même un long moment pour se déplacer vers le musée, donc un long moment en autobus qui peut être coûteux aussi, donc pour l'école, les enseignants, enfin. Puis c'était donc l'inverse dans le fond, plutôt que les enfants aille au musée, ben là, on amène le musée. C'est bien ça? Exactement, en fait. Puis même pas en région. À Québec, c'est la même chose. On a eu le son de cloche de la Ville de Québec, de différentes écoles qui nous ont contactés par la suite quand ils ont appris l'existence du musée ambulant. Des écoles de la ville, mais qui... Un autobus scolaire, c'est quand même cher, même que tu sois à Lévis, que tu sois à Saint-Fabien-de-Panay, que tu sois à Québec. C'est sûr que c'est plus cher à Saint-Fabien-de-Panay, on s'entend, pour se rendre à Québec, mais c'est quand même des coûts importants. Puis c'est pas juste ça, c'est la coordination, la préparation des lunchs. Donc, ça implique que les enfants manquent beaucoup de cours aussi, ça implique toute une gestion de repas, etc. Donc, des parents bénévoles, c'est super simple pour eux de recevoir le musée ambulant parce qu'au contraire, en fait, il y a aucune gestion de l'école. C'est un clé en main, finalement. Exactement. Ouais. Mm-hmm. Donc, au niveau logistique aussi, ça facilite pour les directions, en fait, ça facilite l'accès à la culture pour eux parce que c'est assez complexe pour eux. Ils se disent, bon, ils sont complètement débordés, premièrement. Et là, quand il arrive les sorties scolaires, bon, qu'est-ce qu'on peut faire facilement? Bon, ben on va aller au laser gun, tu sais, des trucs simples comme ça. Mais c'est vrai. Donc, tu sais, c'est des choses super simples qui sont vendues souvent dans les catalogues, qui sont achetées par les écoles d'ailleurs. On a commencé à comprendre un peu le fonctionnement aussi de ces achats d'activités culturelles-là. Alors, quand on leur propose quelque chose de clé en main comme ça à l'école, c'est vraiment simple pour eux. Il y a aucune gestion. Nous, on débarque, en fait, à la fin des classes la veille. Mm-hmm. Alors, une fois que l'école est terminée, vers 3h30, on installe le musée ambulant. Donc, et on part juste avant que la garderie scolaire termine. Et les enfants, en général, n'ont pas vu le musée. Donc, ils débarquent le matin et on commence avec les groupes, avec l'émerveillement, justement, de voir cette structure-là qui est déjà montée. Alors, c'est vraiment très simple et facile à comprendre aussi pour les directions, pas de casse-tête. Oui, c'est ça. Puis c'est intéressant aussi ce que tu viens de dire, parce que c'est une de mes interrogations, à savoir, est-ce que c'est des projets comme ça, clés en main, est-ce que c'est quand même rare? Mais là, je comprends que on peut acheter des activités. Ouais, c'est ce qu'on a compris avec Catherine. Ça existe beaucoup en sciences, en fait. OK. Probablement que les gens qui ont des enfants dans les écoles voient souvent des espèces de brigades scientifiques débarquer à l'école, les petits débrouillards, comment ça s'appelle, la boîte à sciences, etc. Donc ça existe. Il y en a quelques-uns, mais oui, en or, un peu moins. Puis en des petites mini-fermes, là, des petits animaux. Les animaux. On peut flatter des espèces de lézards, ce genre de choses. Oui, se familiariser avec la nature. Oui, il y a beaucoup de... Ben, quelques entreprises, justement, en biologie, en sciences, ça, qui font ça, des clés en main dans les écoles, mais vraiment pas au niveau culturel. Il n'y a absolument rien, en fait, qui existe. Puis les directions, comment on a appris, finalement, qu'ils fonctionnent, ben ils ont, justement, des offres qui sont cataloguées, qui sont vendues par des agents qui sont spécialisés dans les écoles. Alors, c'est comme un système de booker, en fait, comme les musiciens, finalement, ouais. mais pour des activités scolaires. Il y a y a quand même une part intéressante que le musée ambulant peut prendre, en fait, comme marché, on va dire, là-dedans, parce que, justement, ces activités de qualité professionnelle-là, en milieu scolaire, en culture, en art visuel, vraiment, ça n'existe pas du tout, là. Ah, ben c'est le fun, parce que ça ouvre une belle porte, mm-hmm. justement, aussi avec l'intérêt que ça a suscité, mais disons, là, vous avez déjà établi que, bon, vous arrivez là la veille, vous installez le gros igloo finalement et vous installez les œuvres, mais après ça, qu'est-ce que ça a l'air, par exemple, un groupe qui vient vous voir là-bas? Comment ça se passe? Mais ça commence avec Jeanne et Sarah. On a des costumes, hein? Puis oui. On a même maintenant oui. Des noms de personnages. Là, on est en train vraiment de se prendre au jeu. Mais bref, les enfants arrivent et là, il y a vraiment une période d'appréciation d'art à l'intérieur du musée. Et Jeanne, ben, tu peux en parler. Mon personnage, c'est le valet avenant. Ah, ben c'est bien. Non, mais on a des costumes, oui, parce que c'est pas juste une visite de musée, c'est vraiment... on est dans les arts de la scène, en fait. Je pense qu'on était assez hybridés entre art visuel et art de la scène, dans le sens où on n'est pas en train de faire un personnage, changer de voix ou quoi que ce soit, mais on a des costumes, on invite les enfants à imaginer, en fait, à regarder les œuvres, à s'imaginer ce que ces œuvres-là peuvent dire, peuvent raconter comme histoire. Donc, on se positionne un peu comme des personnages de livres pour enfants, peut-être, quelque chose du genre. Mais on s'est inspiré aussi de l'univers du cirque. Oui. C'est oui. Super présent dans le musée ambulant, mais c'était inspirant pour nous, tu sais, l'idée de circuler de village en village, de débarquer, d'être tout de suite très visible. Tu sais, moi, j'ai des plumes, on a des chapeaux, donc on se fait repérer dans l'école. Les enfants sont tout excités oui. Juste quand ils nous voient. C'est sous le principe un peu de la fête foraine qui oui. Se déplace dans une ville, en quelque sorte, oui. Là aussi. Oui. Donc, l'idée, c'était vraiment de rendre ces enfants-là heureux puis de leur donner le goût de l'art visuel, parce que c'est souvent... c'est plate parce que c'est une super discipline, mais je ne sais pas pourquoi les gens ont un peu de mal à aller vers l'art visuel, entrer dans des galeries. T'sais, on dit mm-hmm. ça souvent, ça fait longtemps qu'on dit ça. Oui. Mais ça existe, c'est vrai que c'est là. Il y a une espèce de gêne, ou je ne sais trop, comme si c'était une discipline qui était réservée à une élite. Et là, nous, on essaie de déboulonner ça. On veut que ce soit ludique, on veut que ce soit le fun, on veut que ce soit... une expérience super riche là, à mm-hmm. plein de points de vue. Puis Jeanne, qui a commissarié l'exposition, l'a vraiment monté en ce sens-là, tu sais, faire appel là, au sens. Là. Oui. Tous les sens. Oui, mais c'est oui. Ça, parce que quand les enfants sont là, ils restent pas fixes. Là. Il faut qu'ils bougent. Ils sont vraiment actifs physiquement oui, aussi. Oui, c'est ça. Ben, pour revenir à ta question, en fait, on arrive avec les gens, on ne rentre pas, ils ne voient pas l'intérieur du musée tout de suite. Mm-hmm. On a un grand tapis rouge, on les fait asseoir devant le tapis, on leur pose toutes sortes de questions, à savoir s'ils ont déjà vu des œuvres, qu'est-ce que c'est un musée, d'ailleurs, qu'est-ce que c'est de l'art. Il y en a, c'est très drôle, il y en a vraiment beaucoup qui nous disent que c'est de la pièce d'or, que c'est comme le métal. OK, de l'or. Oui, okay. Parce que moi, en plus, j'ai un chandail doré, puis là, ils sont comme, ah, c'est comme ton chandail. Donc, c'est vraiment assez hallucinant de voir que même le mot art, pour eux, est relié à un métaux précieux plutôt qu'à des œuvres. Donc, on part de loin, dans le sens où c'est ça. Alors, dès le début, ils voient pas du tout ce qu'il y a à l'intérieur. On leur pose toutes sortes de questions pour démystifier un peu ce qu'ils vont s'apprêter à voir, finalement. Et on leur donne un billet d'entrée. Comme dans un spectacle. Et là, donc, on leur donne un petit billet d'entrée. Ils rentrent dans le musée. On a des grands rideaux. Ils poussent les rideaux et la première œuvre qu'ils voient, c'est l'ours de Paris-Martin qui est à peu près de 8 pieds d'eau, 8-9 pieds de haut. Donc, il est très grand. Les enfants sont tout petits. Donc, ça fait son effet. Mm-hmm. Les jeunes sont vraiment frappés. Donc, ils sont... Une confrontation wow, physique. Oui, c'est ça. Donc, vraiment, tout de suite, ils sont comme... Wow! Tu sais, ils capotent. Ils voient ça. Puis là... On dit aux auditeurs que c'est comme une peluche géante. Oui, c'est oui. Ça. C'est un ours. Immense, ouais, un ours, mais c'est ça, un ours qui a la gueule ouverte avec les crocs sortis, mais en même temps qui est doux, qui est une peluche. Ouais. Donc déjà, là, il y a plein de questions. Puis c'est vrai qu'il est super imposant. Ses griffes, c'est comme ce petit outil pour le miel. Là. Je ne sais pas trop comment on l'appelle pour prendre du miel. Personne ne connaît le... une cuillère à miel. Là. Mais enfin, oui, fait que ses griffes sont remplacées par ça. Fait que ouais, c'est ça si on est... Puis c'est un peu ça aussi, c'est d'éveiller le sens de l'observation des jeunes puis de les travailler là-dessus. Parce que moi, ce qui m'a fascinée quand j'ai fait le tour, justement, du projet sur votre site web puis sur la page Facebook, c'était de voir aussi des fois les liens que vous faisiez avec la localité aussi. Vous, finalement, c'est pas juste, oui, il y a des œuvres qui sont là présentement, mais à un moment donné, je me rappelle où, Jeanne, tu disais dans une entrevue notamment que c'est ça, dans le fond, vous faisiez des ponts avec leur lieu, à savoir, oui. Ben, est-ce que vous pensez qu'il y a des œuvres d'art autour oui, de vous? On leur demande toujours. En fait, ça, on leur demande à la fin. Mm-hmm. Une fois qu'ils ont vu le musée, qu'ils ont vu les œuvres, qu'ils ont appris à regarder une œuvre d'art, à la fin, on leur demande, Ben, est-ce que vous pensez que vous en avez dans votre village des œuvres d'art? Puis là, tout d'un coup, si on leur avait demandé ça avant, je suis certaine qu'ils n'auraient pas pensé. Puis en sortant, ils disent, ben oui, il y en a dans le cimetière, il y en a dans l'église, mais ça, jamais on leur a parlé d'église, de sculpture, de pierre ou quoi que ce soit, ou de vitraux, mais ils voient, ils tout d'un coup, l'imaginaire, ils voient qu'ils ont des murales, donc ils réalisent qu'à l'école, ils en ont aussi. Donc, c'est bien intéressant. Ce qu'on fait dans le musée, en fait, c'est pas d'expliquer la démarche des artistes, c'est pas d'expliquer c'est quoi l'art actuel. C'est ce qu'on fait, c'est qu'on leur montre comment regarder une œuvre d'art. C'est ça qu'on fait. C'est juste ce qu'on fait. Puis souvent, on va faire que 3 œuvres dans 50 minutes. Bien honnêtement, les enfants ont tellement d'imagination puis ont le temps de vraiment bien décortiquer les œuvres. On va vraiment très loin dans l'appréciation des œuvres. Alors, selon les degrés, on va aller chercher 3 œuvres souvent qui vont être différentes, qu'on peut aller soit dans les plus vieux, quelque chose de plus philosophique, plus dans les émotions, dans les sentiments. Les plus jeunes, on va dans les histoires, dans l'imagination du raconté, si on veut. Donc, mais c'est seulement ça qu'on fait, ce qui fait qu'à la sortie, ben ils peuvent voir tout d'un coup que, ben oui, il y en a autour d'eux des œuvres d'art. Peut-être qu'il n'aurait jamais regardé de cette façon-là. Donc, Oui, puis c'est le fun parce qu'après ça, ben ça les rend sensibles à ça, puis ça contamine des gens autour d'eux, dont leurs parents ou leurs frères, leurs sœurs. Fait que c'est ça aussi, ça a une portée plus large que simplement un musée à l'école. Puis c'est un peu la même chose avec les ateliers de création aussi, parce qu'il y a une heure en création après, puis des fois, ils nous demandent la marque des crayons. Tu sais, on arrive avec des matériaux qu'ils n'ont pas dans les écoles, parce qu'on sait qu'il y a de moins en moins d'art plastique dans les écoles, spécialistes en art plastique. Puis nous, on a fait vraiment un effort pour aller chercher des outils ou des matériaux qu'ils n'utilisent pas souvent. Puis ils nous demandent où je peux avoir ça. Ils veulent partir avec une balle de laine parce qu'on fait un atelier avec de la laine pour poursuivre à la maison. Ils nous parlent de ce que leur grand-mère faisait, ça leur rappelle aussi ces gestes-là qu'ils ont déjà vus. Donc, ils sortent de là avec plein de liens là, à faire après dans leur quotidien, dans leur milieu. Puis tout à l'heure, tu disais, oui, ils font des liens avec les œuvres qu'on peut retrouver, par exemple, à l'église du village. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'ils viennent, grandissent dans un milieu à la campagne, un milieu rural. Mais souvent, ils vont repérer ça dans les œuvres de l'exposition. Oui. Donc, l'ours, ça résonne pas pareil pour un enfant qui grandit dans un village de 150 personnes. Oui. C'est une autre réalité. Les parents, le père chasse l'ours. Il y en a une œuvre en jacquard qui représente une chute d'eau. Bien, c'est sûr que pour un enfant qui habite tout près d'une chute, c'est pas le même... Ça résonne pas de la même façon. Donc, ça, c'est intéressant aussi. C'est un autre regard. Puis pour nous, c'est le fun parce que ça nous renvoie complètement à autre chose, l'interprétation qu'on peut faire de certaines œuvres aussi. Oui, certainement. Et je me demande aussi, là, c'est quand même une tournée que vous avez faite d'un mois et demi dans Portneuf. Vous avez été à Saint-Jean-Port-Joli. Bref, vous êtes promené autour de Québec. Il y a eu vraiment, je pense, un bel accueil. Mais quel bilan vous en tirez de cette première tournée-là? Est-ce que ça dépasse vos attentes? Qu'est-ce qui vous a peut-être le plus surpris aussi dans ça? Ce qui m'a surpris le plus, de mon côté, c'est le besoin immense, en fait, que les écoles, les profs, les directions, les élèves ont, en fait, à avoir le musée ambulant chez eux. C'est hallucinant. Juste la tournée qu'on a fait, puis les différentes interventions médiatiques qui sont venues avec ça, on a reçu 35 courriels de 35 écoles différentes de profs qui nous ont écrit, de directions, de commissions scolaires de partout au Québec, d'Abitibi, de la Côte-Nord, vraiment de partout, qui en voyant ce projet-là, on le veut chez nous. On a besoin de ça. Donc, cette espèce d'engouement hyper organique puis naturel, en fait, qu'il y a eu un peu partout au Québec, c'est ça qui m'a complètement renversée. Je m'attendais pas du tout à ce genre d'accueil-là au niveau provincial même. Là, c'est comme on sent qu'on est en besoin, là, tu sais, que les écoles, ben oui, ils en ont pas d'art, puis ils en veulent. Ils savent pas comment faire, mais ils en veulent, puis ils peuvent pas y aller au musée, puis ils savent pas comment faire pour en avoir dans l'école. Donc, quand ils ont vu ça, c'est comme, waouh, il y a une solution. T'sais. C'est ça. C'est un projet qui est très porteur. Ouais. Oui, puis souvent, c'est les titulaires qui se retrouvent à devoir enseigner leur plastique. Mm-hmm. Puis ils font ce qu'ils peuvent, puis avec cœur, puis il y a des beaux projets qui se font dans les écoles. Mais souvent, on se rend compte, on dîne dans les salles de profs, puis là, ils nous posent mille et une questions. Moi, je fais tel projet, qu'est-ce que vous en pensez? T'sais, on sent que cet accueil-là, les enfants nous accueillent, mais les profs nous accueillent oui. aussi. Oui, c'est intéressant. Puis, nous, on en profite pour les former un petit peu. On fait la médiation avec les profs beaucoup. On voit toutes sortes de choses, puis c'est fait dans le bonheur et le plaisir, puis c'est de bonne foi, je dirais, mais des fois, par exemple, ils vont exiger certaines choses des enfants, puis les enfants sont peut-être pas rendus là. Mm-hmm. Donc, nous, ça nous fait plaisir. On s'est même dit qu'à un moment donné, on devrait mm-hmm. peut-être faire le musée ambulant en formation pour les profs dans les commissions scolaires ou ailleurs. Oui. Ça pourrait peut-être être un nouveau volet, un nouveau mandat du musée ambulant. Oui, oui, parce que c'est pas seulement les enfants qui en ont besoin. Mm-hmm. C'est les profs sont complètement dépourvus d'enseigner leur plastique. Honnêtement, ils n'ont pas étudié là-dedans. Il y en a plein qui ont peut-être jamais vu d'œuvre professionnelle, puis on l'a senti aussi en faisant la visite avec les profs qui suivent la visite du musée ambulant avec leurs élèves. Donc, eux-mêmes, en fait, ils apprennent autant, sinon plus, que les élèves qui mm-hmm. sont là. On fait aussi des fois la visite, moi puis Sarah, on regarde le prof, on voit comment il réagit. Ça permet de... Oui, ouais, c'est ça, c'est les enfants qui font l'appréciation des œuvres, mais l'adulte n'a pas vu les œuvres de cette façon-là. Souvent, il y a beaucoup plus d'appréhension avec l'art actuel que les jeunes. Les jeunes n'ont aucune appréhension. Ils trippent sur l'art actuel. Ils n'ont pas de préjugés. Le prof, lui, a vu les œuvres à l'avance qu'on allait présenter. Il était peut-être mal à l'aise avec certaines œuvres, avait des préjugés. Puis là, arrive tout d'un coup, les élèves font l'appréciation. Et là, son opinion change. C'est vraiment intéressant. C'est vraiment, oui, parce que des enfants aussi comme ça, souvent, c'est qu'il n'y a pas de filtre. Ils vont révéler, puis ils vont se permettre de dire des choses, alors que souvent, en tout cas, ben, pour avoir été guide au musée, on sent qu'il y a une petite gêne, des fois, à dire ce que mm-hmm. ça nous fait, à quoi ça nous fait penser, de peur, de, tu sais, mal paraître, ou peu importe, d'une peur quelconque. Fait que c'était intéressant, ça, de voir aussi que finalement, c'est aussi formateur pour les profs. J'imagine aussi, j'ai cru voir un directeur qui a même oui. venu montrer à tricoter. Ça se peut-tu aussi? Oui, mairesse de Rivière-à-Pierre nous a accueillis. Les pompiers. Oui, les pompiers. Nous, on répand l'art un peu partout. Ben, jusque dans les casernes. Puis vous avez ouvert aussi, vous avez fait quelques journées portes ouvertes où c'était ouvert à la population de venir visiter, c'est bien ça? Oui. Ouais, c'est ça, à Grondines, c'est la dernière journée puis de la tournée. Puis on se disait, ça serait trippant d'ouvrir au public et tout. Donc, on a eu des gens de la communauté qui sont débarqués, des parents, des élèves qui étaient allés durant la journée. Puis c'était attendu, vraiment, de la communauté, ils l'avaient annoncé. Donc, il y avait des gens qui étaient très contents d'être là. On avait des personnes âgées, on avait toutes sortes de monde. Mm-hmm. D'ailleurs, c'est quelque chose qui serait vraiment intéressant de faire aussi dans d'autres contextes, pas juste dans les milieux scolaires. Oui. Exact. Oui, on développe ça aussi. Là. Vous allez peut-être nous voir dans des festivals ou ailleurs. Est-ce qu'on peut annoncer nos futures tournées secrètes? Non, c'est pas secret. Ben, c'était ma prochaine et dernière question, à savoir quel avenir, du moins pour... qu'est-ce que vous pouvez nous révéler sur l'avenir du musée ambulant? Parce que c'était un projet pilote cet oui. automne, mais vous aimeriez que ça devienne vraiment pérenne, ça aussi, tout ça. C'est sûr que la question du financement est toujours difficile, mais qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur l'avenir du musée ambulant? Ben écoute, on a un bel avenir, je pense. Un avenir radieux! C'est beaucoup de travail, par exemple. L'avenir est beaucoup de travail, mais très plaisant. En même temps, justement, l'accueil qu'on a eu a facilité les choses. Mais oui, on a une tournée qui s'annonce en mai-juin, qu'on peut annoncer parce que ça a été... Il y en a qui sont encore à confirmer, là, mais on s'en va dans 9 écoles, la commission scolaire des navigateurs sur la Rive-Sud. Alors, on va aller visiter 4 écoles de la région de Lotbinière, donc vraiment en milieu plus ruraux. 4 écoles de la région, là, Charny, Saint-Jean-Chrysostome, dans ce coin-là, qui, eux non plus, même s'ils sont tout près des ponts, honnêtement, ils vont pas au musée souvent. C'est ça, la distance est là, ils sont pas collés à Québec sur le musée. Et on va voir 4 écoles aussi à Lévis. Donc, on va faire tout ça. 9 écoles dans la commission scolaire des navigateurs. On s'en va à Sherbrooke aussi, voir une école anglophone. Alors, c'est ce que je peux annoncer pour l'instant. C'est quand même pas pire. Ben, c'est déjà très, très bien. Puis je suis vraiment heureuse de l'apprendre aussi ce soir parce que je trouve que c'est une excellente, une très, très belle initiative. Je vous félicite. Et puis moi, toutes les gens que j'en parle autour de moi trouvent ça vraiment fantastique. Puis je pense que ça a un potentiel de se répandre partout au Québec. En tout cas, moi, j'espère que ça va le faire. Puis je pense que vous aussi, vous avez envie d'y aller. Ben, en fait, je vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous, Jeanne et Catherine-Ève, donc pour nous parler du musée ambulant. On va vous suivre sur la page Facebook et sur le site muséeambulant.com. Bien sûr, et on vous souhaite vraiment un bel avenir avec le musée ambulant. Merci Audrey. Merci. Alors nous, on s'en va en pause publicitaire et on revient pour la deuxième moitié d'émission. Vous écoutez CKRL 89.1. Depuis 10 ans, Première Ovation présente les artistes émergents de Québec. Au Mois Multi, Festival international d'art multidisciplinaire et électronique, le collectif LAS propose Onde. Une performance sensible, véritable installation vivante qui entraîne le spectateur sur le chemin sinueux des idées, là où la création prend vie. Onde, du collectif LAS, est présentée un soir seulement le 10 février au studio d'essai de Méduse. Billets disponibles sur lepointdevente.com. À Québec, février rime avec Mois Multi. Et les festivités commencent ce vendredi. Au programme, sculpture cinétique géante, musique électronique avant-gardiste, robots nourriciers et nuits endiablées. Et c'est la dernière chance de se procurer le passeport pour l'ensemble du festival. Prépare-toi, Québec. Le Mois Multi éveille tes sens du 2 au 25 février. Moismulti.org. Et on poursuit l'aérospatiale en compagnie de Suzy Dufour. Bonsoir, Suzy. Bonsoir, Audrey. Alors, quand je t'ai interpellée pour aller voir une exposition, tu me dis, bon, ça y est, je suis en amour, je dois aller voir Cook Sasseville à la Galerie 3. Sûr. Voilà, une exposition normale. Hein? Quel beau titre. Enfin, je pense qu'il y a eu un petit coup de cœur. Est-ce que ça se peut? Oui, tout à fait. Bien, j'ai toujours été une grande fan de Cook Sasseville. Je trouve que leurs œuvres sont à la fois accessible, sans être dénué de sens et de sens profond. Là. Donc, j'ai toujours trippé sur leur côté accessible. Puis je pense que le titre a un petit quelque chose à voir avec ça, là, une exposition normale, dans le sens où comme si la normalité des gens pouvait apprécier cette exposition-là. Puis je pense que c'est le cas. Je ne sais pas pour toi, Audrey, mais moi, j'ai eu un gros coup de cœur pour cette exposition. Moi, ça m'a évoqué ce titre-là, l'idée de, ben voilà, c'est une expo bien simple qu'on vous présente, parce que aussi, il faut le dire, hein, ça faisait un moment déjà qu'on n'avait pas vu Cook Sasseville en galerie, parce que occupé avec nombreux public, projets. Exact. Effectivement, je pense que la ville de Québec les connaît surtout pour leur art public, puis tout dernièrement là, avec l'installation à la place Jean Béliveau avec La Rencontre qui a fait parler pas mal dans les derniers mois. Puis justement, l'exposition commence avec une miniature, pourrait-on dire. C'est pas la maquette de cette installation-là qui est à place Jean Béliveau, mais c'est une miniature. Je pense qu'ils ont coulé 12 exemplaires d'une version réduite là, de cette installation-là. Donc, ça commence quand même bien l'exposition avec ce que les gens sont habitués peut-être de voir de Cook Sasseville, surtout dans la presse dans les derniers mois. Puis ça se poursuit quand même avec une thématique là, avec l'œuvre La Tranchée. Moi, ça a été mon coup de cœur de l'exposition. Ben, j'avais hâte de savoir parce que moi aussi, je dois être bien honnête, c'est mon coup de cœur aussi, oui, de cette exposition-là, parce qu'il y a quelque chose, ça part encore de l'œuvre, la rencontre. Hein? C'est, il y a une, ouais, portion de la rencontre qui est reprise là-dedans. Je te laisse nous la décrire un, oui, petit peu. C'est comme si c'était en fait des trophées de chasse, sauf qu'au lieu d'être... Puis c'est encore des chevreuils. Puis c'est qu'au lieu d'avoir finalement des têtes de chevreuil comme trophée de chasse, on a leur derrière. Donc, on a trois derrières de chevreuil qui ont comme été coupées. Sectionnées. Ils sont placés dans la même position que les deux chevreuils qu'on voit à la rencontre. Donc, il y en a deux et c'est par les pattes qu'ils se joignent. Exactement. Donc, il y a comme un effet miroir là, qui se fait par les pattes au lieu d'être par la tête ou comme l'œuvre originale de manière horizontale. Donc, on est devant des trophées de chasse. Donc, du coup, c'est un peu ludique parce qu'on est devant trois derrières de chevreuil fois deux, donc réfléchis par effet miroir. Puis là, on se rend compte qu'ils sont positionnés sur des espèces de plaques verticales laquées rouges, mm-hmm, et que les derrières de chevreuil sont pas de couleur naturelle, mais bien d'une couleur un peu gris, charbon, lustré, encore une fois. Donc, on est devant quelque chose qui est plus plastique. Donc, il y a quelque chose de ludique, mais on commence à se poser des questions sur qu'est-ce que c'est que ça, que ces découpages de chevreuil. Puis, le titre de l'œuvre, c'est « Tranché ». Mm-hmm. Donc, comme si les animaux avaient été tranchés. C'est ça, c'est finalement, cette bande rouge qui se poursuit au sol, oui, aussi. Il hein, faut le dire, exact, finalement, ça on pourrait comme une, flaque, un coulis de sang. Oui, exact. Donc, mais qui est très esthétique, absolument, aussi, très esthétique, très séduisant par ce côté-là, très réfléchissant par la matière, un beau rouge vif en contraste avec un gris. Donc, on est devant du Cooksasville assez traditionnel dans leur espèce de dualité entre différents concepts. On est devant quelque chose qui fait sourire à prime abord, mais plus on s'y attarde, bien, plus on est fasciné par le deuxième degré de ce discours-là. Mm-hmm. Qui est plus tragique que rigolo, finalement. Exact. Puis tranché, ça rappelle bien sûr les tranchées en terrain de guerre. Puis ce gris-là, finalement, on finit par se rendre compte que ça peut rappeler le matériel militaire, peut-être plus que la couleur de l'animal original. Donc, c'est assez intéressant, cette pièce-là. Il y a plusieurs ramifications qui se font dans notre cerveau, là, comme ça, là, des liens qui se font, oui, entre différents milieux. Puis là, finalement, soudainement, c'est de l'humour, mais de l'humour noir. Absolument, ici, absolument. Puis sans que ce soit facilement compréhensible, moi, j'ai été merveilleusement accueillie là, par Joanne de la Galerie 3, qui m'a bien expliqué le travail de Cooksasville, même si je connaissais quand même un peu leur travail. Puis c'est elle qui a ajouté des couches supplémentaires d'interprétation que je trouvais magnifiques, super intéressantes. Puis j'ai pu me promener ensuite là, dans le reste de la galerie pour découvrir, parce qu'en tout, Cooksasville sont habitués à faire des œuvres qui sont monumentales. Puis là, bien sûr, dans l'espace galerie, ils doivent réduire un peu cette monumentalité-là. Mais pour ceux qui les connaissent, qui les suivent avant cette période d'art public, c'est ce qu'ils faisaient de la sculpture. Absolument, en galerie. Donc, ouais, finalement, ils reviennent à une pratique qu'ils avaient déjà par le passé. Tout à fait. Mais je trouve que la disposition dans l'exposition garde cette monumentalité-là parce qu'on a exposé seulement cinq pièces. Cinq pièces de grand format, là, relativement. Ce qui fait en sorte qu'on est comme par chacune des propositions qui est faite dans l'exposition. Elles ne sont pas ternies par les autres pièces qui pourraient être à côté. Donc, il y a aussi la ponte, qui est en fait l'image de marque de l'exposition, qui représente deux coques naturalisées avec des petites bottes d'eau, des lunettes fumées, et qui tournent autour d'un étron humain, pour ne pas dire un caca. Oui, voilà. Et les artistes eux-mêmes ont dit que c'était un peu comme un autoportrait d'eux, du duo Cook et Sasseville. Mm-hmm. Ce qui est assez rigolo, après ma barre, encore une fois, ça peut parler coq, on sait bien, ça parle peut-être un peu d'égo, ça peut parler de fierté, oui, de masculinité, etc. Puis la ponte, bien là, on n'est pas devant la ponte d'un œuf, mais bien devant un étron humain. Donc, il y a toute cette... Ça va avec l'humour aussi, parce qu'ils ont déjà fait faire leur autoportrait de très grand format, où ils sont habillés en genre de playboy, oui, là, avec leur pyjama luxueux, puis l'argent l'argent qui coule à flot, qui tombe du ciel comme ça, comme oui. s'ils étaient, c'est ça, des grands artistes. Oui, oui, en fait, oui. ça, c'est dans la suite de leur humour. Exactement, l'humour par rapport à ça. Donc, il y a cette pièce-là, il y a aussi d'autres pièces. Je pense qu'on va peut-être manquer de temps pour toutes les aborder, mais j'aimerais parler de la petite salle qui est à l'arrière, qui présente ça s'appelle Battre les cieux. Mm-hmm. Puis c'est en fait la façade qu'on voit de l'église qui est maintenant l'école du cirque à Limoilou. C'est ça, j'ai vérifié, c'est l'école l'église Saint-Esprit. Saint-Esprit, voilà, auparavant oui. appelée l'église Saint-Esprit, et qui à la place de son clocher a des batteurs un mélangeur, oui, exact. C'est ça, quand on fait des pâtisseries, là, un mélangeur à mitaine, oui, j'allais dire. Mais bon. À mitaine, à bras, oui. un mélangeur à bras. Oui. Donc, qui est positionné à la place du clocher ou à la place de la croix. Justement, sur cette façade-là, on n'y voit aucun symbole religieux en non. tant que tel. Donc, il y a comme un détournement de sens, encore une fois, par rapport à ce bâtiment-là. Puis le fait de battre des cieux et non pas des œufs. Mm-hmm. Il y a un petit jeu de mots. Puis il faut le dire aux gens, ces batteurs-là ici... Il tourne réellement. Oui, c'est ça. C'est un mécanisme qui les active et ça crée dans cette petite pièce-là qui est séparée du reste de l'exposition, dans la pénombre, une espèce de côté méditatif, contemplatif. Puis le son de ce mm-hmm. mécanisme-là fait une espèce de bruit de méditation. Un peu, je sais pas, il y a comme un bruit répétitif là, de « oum », tu sais, quelque chose là-dedans. Donc, c'est assez intéressant, cette installation-là, tout à fait. Et une dernière chose que j'aimerais mentionner, je voulais savoir, l'éclairage. Il faut le dire aussi, parce que quand on rentre à la Galerie 3, souvent, l'éclairage est très vif. Hein? Oui, c'est vrai. On est dans les blancs froids là, aussi, et là, on est... tout en théâtralité, mais tu sais, sombre un peu plus, plus tamisé un peu, je dirais, comme lumière. Ouais. Enfin, moi, ça l'a accroché mon regard aussi. Oui, vraiment. Surtout qu'on est habitué d'aller à la Galerie 3, en plus, puis de voir l'éclairage habituel. J'ai l'impression que... avec toutes ces pièces-là qui jouent beaucoup sur le réfléchissant, les surfaces lustrées, le côté très séduisant, attirant, presque publicitaire de ces œuvres-là, en quelque sorte, on est facilement happé par... ces animaux naturalisés, le laqué du rouge, etc. Ben que là, ça vient tempérer en quelque sorte ce côté-là très tape à l'œil de cette pièce. Est-ce que ça fait pas aussi qu'on s'approche un peu plus, justement, ouais, vu que c'est plus absolument. Tamisé, au lieu d'être très fort? Moi, en tout cas, vite comme ça, c'est ça. Ouais. Ça me fait penser au fait qu'on arrive là, puis finalement, t'as juste le goût de t'avancer pour voir les détails ou des choses comme ça. Enfin, vraiment. Puis la technique associée aux œuvres de Cooksasville est toujours si impressionnante que peut-être que c'est un petit jeu pour pouvoir s'approcher puis voir la délicatesse dans chacun des détails de ces pièces-là qui sont toujours assez bien faits. Il s'allie toujours de techniciens assez impressionnants là, pour faire des œuvres dont on y croit. En tout cas, moi, j'y ai cru. Ben, c'est bon. Super. Et est-ce que tu peux nous dire, Suzy, c'est jusqu'à quand qu'on peut voir cette exposition? Jusqu'au 25 février à la Galerie 3. Je vous recommande fortement d'aller voir ce qu'ils font en galerie. Oui, ben, ça vaut la peine, justement, d'aller découvrir ce travail-là. Bien, merci beaucoup d'avoir été voir ça pour nous. Mais ça a été un plaisir, Audrey. Alors, on s'en va écouter une autre pièce musicale que je vous ai sélectionnée, qui, je trouve, allait assez bien avec notre duo d'artistes. On s'en va écouter Bengal, truc stylé. Je mets du style dans les trucs. Je veux des trucs stylés. Ouais. Je veux voir de mignonnes licornes l'été sur des arcs-en-ciel glissés. Yeah. Les émotions sont saturées. Je lutte contre mon inégalité. Je mets du style dans les trucs. Yeah. Je veux des trucs stylés. Je veux les voir, les mains en l'air, les poumons remplis d'espoir. Tous les regards, sucrés amers. Je veux de la folie ce soir. Je veux les voir, les mains en l'air, les poumons remplis d'espoir. Que s'illuminent nos cœurs fragiles dans la ville. Danse, danse, danse avec style. Les filles, soyez les princesses de la ville. Ce soir, on va en finale. car on a tous un petit détail, taille, taille. Je veux des trucs stylés. Je veux des trucs stylés. Ses jours fériés, ses passions tous les jours. À la station essence, Lady, je voudrais faire le plein d'amour. Un clin d'œil chargé d'avenir. Ville, c'est dur à expliquer. Comme mettre du style dans les trucs, en faire des trucs stylés. Danse, danse, danse avec style. Les filles, soyez les princesses de la ville. Ce soir, on va en finale. Je veux des trucs stylés. Je veux des trucs stylés. Je veux des trucs stylés. Je veux des trucs stylés. Je veux des trucs stylés. Je veux des trucs stylés. Je veux des trucs stylés. Eh bien, Anne-Sophie Homère, tu es allée voir une exposition, je pense, toi aussi, coup de cœur à Materia. Oui, tout à fait. C'est le mois du coup de cœur, apparemment. Oui. Et alors, bon, déjà, je voulais te remercier, Audrey, pour ces moments vraiment groovy d'instant musical. On a vraiment dansé durant ce morceau. Oui. Alors, pour le coup de cœur, moi, je suis allée voir l'exposition Holos de l'artiste Claude-Olivier Gay, qui est visible actuellement à la galerie Materia jusqu'au 25 février. Donc, effectivement, un vrai coup de cœur parce que finalement, on voit plus tant que ça de sculptures. Ben, justement, aujourd'hui, on en a encore parlé d'autres, mais tu vois. Donc ici, c'est un artiste sculpteur qui est installé à Québec. Il vit et travaille à Québec. Donc, dans son exposition, il nous présente 5 sculptures et elles sont toutes façonnées de fils d'acier. Donc, 4 de ces sculptures mettent en rapport finalement l'homme et l'humain. L'homme et l'humain. L'animal et l'humain, excuse-moi. L'animal, l'humain, et moi j'irais même à dire la machine aussi. Oui, c'est vrai. Également, hein, c'est parce vrai. Que c'est aussi accompagné, ces œuvres-là, de vidéos. Là. Oui, on va l'expliquer, ouais. Je te laisse poursuivre. Oui, oui. Et là, en fait, on a envie de se rapprocher de ces œuvres pour voir ce travail d'orfèvre, puisque tous ces fils d'acier qui sont pliés, attachés ensemble, représentent vraiment des réels bijoux. Et effectivement, ces bijoux, une fois que tu les regardes de près, tu t'aperçois qu'il peut se passer quelque chose d'autre. Et comme l'artiste, finalement, il n'est pas là durant tout le temps d'exposition, ce qui est normal, on ne peut pas voir, on va dire, mécaniquement ses œuvres se déployer. Et pour ça, ils ont mis en place un système de projection, vidéo, oui. De vidéoprojection, qui nous permet de voir finalement une animation de ces objets qui se transforment. C'est ça, parce que dans le fond, il faut le dire, on voit souvent soit l'objet à sa phase initiale, par exemple un crâne. Tout à fait. Qui va se transformer en s'ouvrant, selon diverses opérations, soit en oiseau. oui. par exemple. Oui. Il y en a un autre aussi qui se transforme et qui a une nuée, ça devient une structure qui devient une nuée d'insectes qui volent ouais. et tout. Ouais. Mais c'est juste tellement impressionnant, ce travail-là. Moi, ça me fait penser à un travail d'orfèvre, là. Je veux dire, c'est tellement minutieux, détaillé. Il y en a, là, du fil de métal là-dedans, ouais. là. Et des heures de travail, faut-il le dire, là aussi. C'est un travail à la vieille école, en quelque sorte, mais qui a une résonance très actuelle. Oui. Mais c'est ça que nous offre Materia souvent, c'est qu'il nous rappelle ce que sont les métiers d'art et cette finesse, ce travail, des fois, de sculpture avec justement des matériaux, je dis pas qu'on les oublie, mais qu'on n'utilise pas forcément souvent. Et le travail prend vraiment une dimension avec justement ces projections vidéo qui nous permettent de voir effectivement ces métamorphoses, ça prend vie. Alors tu as souligné quelque chose de super intéressant, c'est que une œuvre comme par exemple Imago. Alors Imago, c'est le crâne qu'on voit sur l'affiche un peu partout. Imago, ça représente 500 heures de travail. Je sais pas si vous on se représente quand on fait une semaine de 30 heures, ce que ça fait en temps cumulé. Et c'est 150 mètres de fil d'acier. Je crois que voilà, le ravage qui est, je crois que c'est l'animal, c'est 1500 heures de travail et 450 mètres de fil d'acier. C'est quand même vraiment impressionnant. Moi, justement, j'avais fait cette sélection. Je voulais vous parler d'Imago parce que finalement, on le voit un petit peu partout. Puis, on est quand même absorbé par ce crâne et puis on y voit des plumes à l'intérieur. Donc, pourquoi on a des plumes à l'intérieur de ce crâne? Il faut savoir que imago, en latin, ça signifie... c'est les masques de cire qui étaient faits à l'époque romaine, il me semble, sur le visage des défunts pour finalement en avoir une empreinte. Mm-hmm. Mais c'est également le terme utilisé pour parler de la dernière métamorphose d'un insecte en biologie. Ah. Donc, en fait, les deux, on le voit sur la vidéo, ce crâne se transforme en naissance, la naissance d'un oiseau. Donc on voit le déploiement avec ses grandes ailes plumées qui sont effectivement à la base à l'intérieur du crâne. Et puis tout cela, ça peut s'animer manuellement, mais effectivement, nous visiteurs, nous ne sommes pas habilités, autorisés à les toucher, à les déployer. Seul l'artiste, il me semble qu'il a dû le faire durant le vernissage le premier jour. C'est pour ça que c'est toujours intéressant des fois de se déplacer au vernissage. Oui, mais il faut quand même le souligner, il va y avoir justement une rencontre le 10 février oui, avec l'artiste, une belle rencontre de deux oui. heures en après-midi, de une à 3 heures. Oui. Et on va, j'imagine, il va nous parler de son travail, mais j'imagine qu'il va peut-être justement en déployer quelques-unes devant nous. Oui, là. Oui. Je pense qu'il va montrer également ses outils, va nous montrer un petit peu comment il travaille. Et ce qui va être très impressionnant à voir, c'est effectivement ce déploiement des œuvres que lui seul a le secret pour animer. Et non, je pense que c'est le 10 février va être une belle rencontre, oui. Oui, et moi, ce qui, je sais pas si c'est ce que ça t'a évoqué, parce que bon, enfin, on propose des petits textes, mais qui nous parlent un peu de ces œuvres-là. Mais honnêtement, je trouvais que c'est ce qui m'a étonné le plus, c'est une très jeune pratique. Hein? C'est oui, un vraiment. Artiste qui a terminé en 2013, oui. mais quand même un jeune artiste qui n'a pas une longue feuille de route, mais une œuvre qui, moi, en tout cas, me semblait très riche oui. sur la signification, oui, très intéressante au plan de la matérialité, de la technique, vraiment. Mais sur le plan de la symbolique, parce qu'il faut le dire, il y en a un qui, finalement, la tanière, qui est un buste humain, qui va devenir une bête là à pattes comme un genre de chien ou oui, un homme loup ouais. un genre d'homme loup mais enfin puis c'est quand elle est complètement fermée, il y a aussi un torse qui est fait avec du cuir hein, oui. le visage aussi il y a pas juste du métal mais il y a du cuir repoussé aussi et moi ça m'évoquait vraiment oui le rapport à la transformation mais un sorte d'homme robot, cyborg ou enfin oui. quelque chose du futur là, de l'ordre même peut-être c'était très à la mode dans les années 2000 mais on parlait beaucoup de post-humain à ce oui. qui viendrait après l'humain et moi ça m'a vraiment fait penser à ça. Oui, vraiment. Alors, pour le petit clin d'œil un petit peu pop culture, c'est même un petit peu Transformers. Tu sais, ces collections de jouets pour enfants, là, oui, dont issus des films. Mais c'est vrai ce dont tu parlais par rapport, ce côté très impressionnant de ce jeune artiste et de par rapport à ce travail incroyable d'orfèvre, de finesse, de détail. Puisque, par exemple, tu parlais justement de la tanière. Et sur la tanière, ces morceaux de cuir qu'il a installés sur ce buste, il les a travaillés avec un artisan qui fait des masques en cuir, mais c'est un monsieur, il me semble, assez âgé, qui travaille dans le Petit Champlain et qui fait des masques en cuir, mais c'est quelqu'un qui a, on va dire, beaucoup d'expérience mm-hmm. dans la matière. Et c'est ça qui est beau, c'est qu'il a su allier son travail avec le travail d'un autre orfèvre, celui du travail du cuir. Et ce mélange justement des textures et de l'humain versus robots, animaux fonctionne très bien. Enfin, moi, je trouve que c'était assez évocateur et les gens étaient fascinés. Il faut dire que c'est une exposition qui, je pense, est très populaire. En tout cas, moi, quand j'y suis allée, on était 15 dans la galerie en même temps être là, puis j'observais les réactions des gens. Il y a vraiment quelque chose qui suscite vraiment les commentaires, les réflexions, mm-hmm. que ce soit sous divers aspects, mais moi, c'est vraiment le alors que pour beaucoup de gens, c'est beaucoup la technique, le temps, la longueur aussi, parce que c'est ça que ça amène ces pièces-là à être attendues. Attentif aux détails, parce qu'une fois qu'on les voit en vidéo, on a juste le goût de voir, OK, où sont ces éléments-là, comment ils sont rétractés après ça. Et, enfin, ça nous amène à nous questionner et à essayer de voir le fonctionnement. Oui, tout à fait. On a envie d'y toucher et de jouer avec. Oui, c'est certain. Alors, on rappelle, le 10 février de 13h à 15h, il va y avoir une rencontre avec l'artiste donc pour nous parler de son travail. Mm-hmm. À ne pas manquer, mais est-ce que tu peux nous rappeler la date à laquelle se termine cette exposition? Oui, c'est le 25 février. Et c'est à Materia. À Materia, donc sur le boulevard Charret, donc au coin de La Couronne et de Charret, on ne peut pas manquer. On peut même voir quelques œuvres de la vitrine aussi, donc ça vaut la peine de jeter, si vous passez un petit coup d'œil, en dehors des heures des galeries, jetez un petit coup d'œil. Bien, Sophie, merci beaucoup de nous en avoir parlé. Alors, on s'en va faire une très courte pause musicale. Cette fois-ci, j'ai pensé à Daniel Bélanger dans un Spoutnik. Eh bien, on m'avise que c'est déjà l'heure de se quitter. Hein? Bien sûr, ça passe très, très vite, mais rapidement pour vous dire, à ne pas manquer cette semaine, à l'agenda, il y a la rencontre internationale autour des pratiques artistiques sonores et contextuelles intitulée « Son contexte 2018 », présentée en collaboration avec Avatar, la Chambre Blanche et la professeure Julie Faubert de l'Université Laval, donc une artiste et professeure. À ne pas manquer, c'est du 30 janvier au 2 février. On peut trouver tous les détails sur le site d'Avatar, si vous voulez le voir aussi. On va vous référer là. Il y a un événement Facebook. Et également, vous dire que c'est le lancement du Moi Multi, donc qui bat son plein dès le 2 février. Ça a même déjà commencé avec quelques expositions, mais aussi saison complète du Théâtre Rue d'Ingénierie. Je vous invite à consulter le site moimulti.org pour voir toutes les activités, mais il y a notamment Théâtre Rue d'Ingénierie, mais aussi la soirée Indomptée, la première qui va avoir lieu cette fin de semaine. Ne manquez pas ça, vraiment de très chouettes œuvres. Et on vous parle la semaine prochaine. Comme je vous le disais d'entrée de jeu, on a notre émission spéciale la semaine prochaine. On vous invite, Jean-Tiane et moi, à venir nous rejoindre à la nuit de Quasi-Saint-Jean à compter de 17h30 pour jaser justement d'art multidisciplinaire et électronique, d'art numérique. On va notamment s'intéresser à la question du corps et du mouvement dans ces disciplines-là au cours de l'heure que nous allons passer là-bas. Je vous remercie d'avoir été à l'écoute de l'aérospatiale. Vous pouvez toujours trouver nos informations sur l'aérospatiale.ckrl.wordpress.com pour nous écouter en balado-diffusion, mais aussi suivez notre page Facebook et notre Instagram. Un grand merci à mes invités et à nos chroniqueuses du jour. Merci à Jacques Gignac qui a assuré la mise en onde avec amour comme à chaque semaine. Donc, de cette émission. Et restez à l'écoute, car de l'autre côté de la pause, c'est Pierre Blais et son équipe qui vont discuter cinéma avec vous à l'émission Situation critique. Je suis Audrey Caro qui vous souhaite bien sûr une bonne semaine et à mardi prochain. Téléchargez cette émission sur ckrl.qc.ca ou sur iTunes. continuons de croire que notre couleur de peau est la plus belle. C. Notre civilisation la meilleure. K. Notre religion la seule vraie. R. Et à la fin, L. Crevons d'être trop riches, d'être trop gras, d'être trop cons. Alors, que faire? J'explique, je démontre. Hein? Qu'est-ce qu'on fait? J'anime. C'est KRL. Communication, culture. CKRL, c'est la culture artistique, musicale, mais aussi entrepreneuriale, politique, environnementale et sociale. Par sa mission et son engagement, notre station ouvre ses ondes à des centaines d'organismes ou entreprises communautaires et culturelles. Quatre fois radio communautaire de l'année aux rencontres de la disque depuis 2010. Ils ont choisi d'appuyer CKRL. L'Association canadienne pour la santé mentale, filiale de Québec. Antitube, la Maison des femmes de Québec. Salle Albert Rousseau. L'Association pour la défense des droits sociaux, Québec Métro. Maintenant, c'est à notre tour de les encourager. On est en 1997, c'est le début de l'université, et je me retrouve devant un babillard à essayer de me repérer dans l'université et de trouver le local où il faut aller. C'est dur d'avouer que ton objectif est réellement de faire carrière en art. Cooksasville, un duo choc. Tous les talents d'ici, une seule adresse. lafabriqueculturelle.tv. Depuis 10 ans, Première Ovation présente les artistes émergents de Québec. Dans son exposition Sport et loisirs, l'artiste Isabelle Dionne rend hommage à des activités populaires. Tennis, pétanque et soccer traversent la série d'estampes grand format, ludiques et colorées. Sport et loisirs est présenté du 2 au 28 février à la bibliothèque Claire Martin, 755 rue Saint-Jean, à Québec. Pourquoi devenir membre de votre radio? Parce qu'on vous parle avec passion de cinéma, de poésie et de littérature sous tous ses aspects. Et parce qu'aussi, ça vous permet de soustraire 10% sur votre addition à la librairie Pantoute. Devenez membre sur ckrl.qc.ca. En direct de la Ninkasi Saint-Jean.